Michel en votre compagnie ce dimanche matin qui vous propose Accordéon Parade. Accordéon Parade, c'est une heure d'accordéon. Un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h. Émission pour les mordus du dépliant, les amoureux de l'accordéon. Et c'est 100% musette sur la bande FM. Que la corrida commence avec Damien Berzinski. We'll be right back. Merci à Adolphe de Prince de nous avoir fait écouter ce caprice d'oiseau. Et bientôt, les oiseaux vont venir, bien sûr. Et puis maintenant, si on fait une petite samba brésilienne avec Bibi, Bibi la crème, un sympathique accordéoniste des années 70. We'll be right back. Volet était le titre de ce passodoble que vient de nous interpréter notre ami Vétès Guérino et nous étions en 1935. C'était le 78 tours de service. Thank you. bien sûr que c'est Accordéon Parade que vous écoutez. C'est une émission que vous propose, que vous présente Michel. <musique> 9h-10h, c'est tous les dimanches. Émission qui est en podcast sur Internet. Autrement, le direct, c'est 9h-10h tous les dimanches. Et bien sûr que c'est le plateau d'accordéoniste, que c'est le bonjour de l'accordéon. 9h-10h. Et puis, accordéon parade, eh bien, c'est le réveil musette, n'est-ce pas, monsieur Mimi le Prud'homme ? Merci à monsieur Mimile Prud'homme, toujours aussi merveilleux ce Mimile. Et nous étions dans les années 60, monsieur Mimile Prud'homme. Merci, bravo, oui, bravo à Christophe Clément qui vient de nous interpréter le Pazzo du samedi soir. Christophe Clément qui ne joue plus d'accordéon. Eh oui, Christophe Clément a changé. Il joue d'autres instruments, mais l'accordéon, il a laissé tomber. Pourtant, il se défendait pas mal. Allez, on va écouter une polka à l'accordéon, bien sûr. Thank you. écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et sur les 91 MHz, dimanche matin, Michel vous emmène dans un camp gitan. Ou plutôt, c'est Romain Pruvot qui nous emmène dans un camp gitan. Écoutez l'ambiance, ça vaut le déplacement. Grand succès de Monsieur Bruno Lorenzoni. Je vous rappelle que Romain Pruvot n'a rien à voir avec Michel Pruvot. Il est de la même région que Michel Pruvot. Et ce jeune homme a 18 ans. On va quitter ce camp gitan, puis ce passe-double, pour un autre morceau. Un joli morceau, bien entraînant, c'est une valse. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Valseurs sont prêts pour faire une série de valses, ou plutôt une valse viennoise. Ou plutôt Stéphane Courtois-Renaud va les emmener à Vienne, au bal de Vienne. Et ça, c'est sur Accordéon Parade. Émission, la seule émission 100% de musette sur la bande FM le dimanche. Émission que vous propose, que vous présente Michel. Et c'est 9h, 9h, 10h, Accordéon Parade. Alors Stéphane, tu es prêt pour nous emmener à Vienne, au bal de Vienne? Allez, on y va, tranquillement. We'll be right back. Merci à Monsieur Marceau qui vient nous interpréter le titre de l'émission Accordéon Parade, enregistrement de 1960. Marceau Verschuren et non Marceau Victor, comme on voit sur les disques. Non, non, c'est Verschuren Marceau, son vrai nom. Réalise. Réalisé, présenté et animé par des accordéonistes, vous venez d'écouter Accordéon Parade. Accordéon Parade est une émission que vous propose Michel et voilà 35 années qu'il est sur votre antenne sur GFM. Accordéon Parade, c'est le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h. Je dis bien tous les dimanches de 9h à 10h, Accordéon Parade. Et nous sommes en podcast sur GFM, bien sûr, sur Internet, sur GFM, podcast, vous trouvez Accordéon Parade et bien d'autres émissions. Je vais vous quitter, auditrice, auditeur de sur GFM. Je vous dis peut-être à dimanche prochain, ou un de ces dimanches, mais à bientôt sur les 91 MHz de sur GFM. Allez, au revoir, bye bye et à bientôt! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Salut, salut! Auditrice, auditeur de son GFM. Comment allez-vous? Je vois que vous êtes pressé. Eh bien, Michel est aussi pressé. Ah, vous allez au ski! La chance, la chance! À part ça, tout va bien. Je sais, vous êtes pressé et Nathalie vous attend en bas de l'escalier. Attendez, ben dites à Nathalie que vous arrivez. La place rouge était vide devant.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Eh bien oui, vive les anciens, et c'était monsieur André Verturen. Thank you. Merci à la famille Angèle Fritz qui vient de nous interpréter cette marche des instruments à bois. Et savez-vous que le dimanche matin, de 10h à 11h, Michel vous propose beaucoup de musique et surtout c'est de la musique pittoresque. Allez, dites-moi si vous entendez dans la semaine de la musique comme vous entendez le dimanche matin sur Sorgia FM. Si oui, ben faites-moi savoir et ce serait bien sympathique de votre part. Allez, le dimanche matin sur Sorgia FM, on voit La Vie en Rose, Mademoiselle Dalida. Ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. La vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Merci à cette grande dame de la chanson, Dalida, qui nous a interprété « Je vois la vie en rose ». Eh bien, ce matin, quand je suis descendu à la radio, vers les 8h30, 8h15, j'ai eu le plaisir de capter une radio. Et c'est la première fois que je la captais dans la voiture, c'était Radio Cantal. Et j'ai eu la chance d'avoir mon petit magnétophone. Et voilà ce que j'ai enregistré ce dimanche matin, vers 8h15. Aquí Radio Cantal, aussi. Señor y señoritas, vous allez entendre un paso doble de la Cordillera del Sanflor. Le seul paso doble qui a fait pâlir señorelos. Et merci à Mimi Prudhomme de nous avoir interprété ce passo-doble, première version de ce passo-doble. Et maintenant, eh bien, nous allons écouter, c'est une chanson, et c'est Claudio Capello qui nous interprète cette chanson, un jeune de l'accordéon, un jeune de la chanson, et c'est pas mal. C'est une chanson que me chantait ma mère, qui parle d'amour et d'Italie. Je la porte à moi, c'est comme une prière pour les jours où je n'aime pas la vie. C'est une chanson qui parle d'être fier, de bâtir quelque chose de ses mains. Elle dit mon enfant, il faut aimer la terre, pas besoin d'or pour être quelqu'un. Elle dit mon enfant, il faut aimer la terre, pas besoin d'or pour être quelqu'un. Presto tutto, presto tutto, sarà più. Une rengaine qui soigne les blessures, une bouffée d'air pur de liberté. Un petit poème qui me serve d'armure quand la nuit ne savait plus me bercer. La douleur n'est qu'une piqûre, on guérit de tout, j'en suis sûr. Je te jure, le monde n'est pas si dur. Il faut rêver beaucoup, un point, c'est tout. C'est ce que dit la chanson, cette mélodie de petit garçon. Oh, c'est ce que dit la chanson, cette mélodie de petit garçon. Presto tutto, presto tutto, sarà più bello. Addormentati, bambino, e sogni d'oro. Presto tutto, sarà più bello. Addormentati, bambino, e sogni d'oro.

Merci à Edith Piaf qui vient nous interpréter Milord. Et dans quelques instants, je vais vous dédicacer une chanson pour une chorale de Bellegarde. Et oui, puisque je parle de chorale de Bellegarde, enfin sur la commune de Valserone, il paraît qu'il y a 3 chorales sur la commune de Valserone. Oui, 3 chorales. La Villanelle, l'Échantillon, et puis il y en a une autre. Alors si vous savez le nom de cette autre chorale pendant que nous allons écouter un morceau de guitare, eh bien téléphonez-moi au 04 50 56 01 48, ça serait sympathique de votre part. À la guitare, ce n'est pas Jimmy Bastard, mais c'est comme. Et à ce sujet, je sais que si vous ne connaissez pas Jimmy Bastard, eh bien, vous pouvez le retrouver et il joue ce morceau-là. Alors, Jimmy, si tu m'écoutes, si on t'entend, téléphone-moi au 04 50 56 01 48. Je vais fêter mes 35 ans d'accordéon dans un bon mois et j'aimerais que tu sois là pour nous interpréter quelques morceaux de guitare puisque toi aussi tu as fait partie du début de la radio. Bon, alors maintenant personne ne m'a téléphoné au 04 50 56 01 48. C'est quand même pas sympathique. Vous connaissez mal Valserone. Et oui, il y a 3 chorales sur Valserone. Alors celle-là, elle est bien bonne, je l'ai appris il n'y a pas tellement longtemps, mais il y a 3 chorales, la Villanelle, l'Échantillon, Vouvray, Châtillon de Méchaille, et il y a une autre chorale qui se trouve à la maison Saint-Vincent à Musinan. Et je vais dédicacer le morceau, enfin, on m'a demandé de dédicacer, c'est le troisième âge, Hubert et Sonia vont nous interpréter ce morceau, c'est pour les 2 choristes de cette maison Saint-Vincent, Denise et Nicole. Alors pour vous deux, mesdames, vous deux qui animez dans la semaine, une bonne animation pour les anciens, et c'est sympathique de votre part, eh bien nous allons écouter, c'est le troisième âge, Hubert et Sonia. Et merci d'animer pour les anciens une journée. C'est le troisième âge.

c'est au son de l'accordéon du truand Émile Prudhomme qui nous joue la valse des truands qu'on va se quitter ce dimanche. Merci, mais encore une fois, merci de vos nombreux coups de téléphone. Je pense que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, à partir de 9h pour Accordéon Parade. Et la variété, c'est à partir de 10h. Passez un bon dimanche, une bonne semaine et à bientôt sur les 91-91 MHz de Sorgé FM. Bye bye!